Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Marc, on va jouer au Free de Code Game, d'accord? Oui, pas de soucis. Tu connais le principe ou je te le rappelle? Ouais, je connais. Bon, très bien, parfait. Free Code Game. Voilà, je vais quand même rappeler les grandes lignes pour les nouveaux auditeurs qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas forcément, évidemment, ce jeu. Le principe est simple, tu as 4 séries de questions avec des cadeaux, du plus petit cadeau au plus gros cadeau, et des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Il y a petit paquet pour gagner, par exemple, une compil Fun Radio, grand paquet pour gagner des places de ciné, voilà, Doom pour gagner un iPod, ou Mitraillette pour gagner un Samsung Galaxy. Marc, qu'est-ce que tu choisis? Je vais être gourmand, je vais choisir la mitraillette. Très bien, la mitraillette. On y va, tu dois répondre correctement à 3 questions sur 5 pour repartir avec le Samsung Galaxy ce matin, puisque tu as choisi la mitraillette. On y va, c'est la question maintenant. À la différence des végétaux, quelle substance n'est pas présente dans le champignon? Je sais pas, je passe. Hollywood chewing gum, ça te dit rien? Non. Si. C'était la chlorophylle. Chlorophylle. Ah, d'accord. Oh, c'est pas grave. Quel est le plus grand pays d'Amérique? Les États-Unis. Non, le Canada. Ouais, dommage. Donc, il y a beaucoup de territoires pour pas grand chose à l'intérieur. Hein. Ah oui, mais c'est vrai quand même. Bah oui, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de neige. Mais enfin bon. Dans quelle ville? Et après, c'est le Brésil, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ah ouais, après c'est le Brésil. Ouais. Ah d'accord, je sais pas. Tiens. Dans quelle ville Jeanne d'Arc a été brûlée? Je sais pas. Ah oui, Rouen. Eh oui, qui a écrit le Da Vinci Code? Je sais pas. Dan Brown. Pourtant, il est passé hier ou avant-hier, je sais pas. Ouais. Et enfin, dans Harry Potter, comment s'appellent ceux qui n'ont pas de pouvoir magique? Ah merde, j'ai oublié. Le sang-froid. Mais c'est avec un N, je l'ai, Sais. Vas-y. Les Moldus. Les Moldus, bonne réponse. Évidemment, mauvaise pour toi, Marc. Eh bien, bravo, 0 sur 5. Bravo. Ah oui. Ah là, on est bien là, hein. 0 Marc sur 5. Marc est au top. 0 pointé, c'est pas mal. Bon, et ben Marc. Marc, y a pas de soucis. Mais évidemment qu'il n'y a pas de soucis. Tu redonnes ta chance quand tu veux, il n'y a pas de soucis, effectivement. Bon, je te souhaite une bonne journée, Marc. À bientôt, hein. Merci également. Allez, salut, à bientôt. Ciao, salut, Alu. Mickaël à la radio, le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Une nouvelle qui a réjoui tous les partis politiques d'extrême droite en Europe. Le café Arribaca pourrait disparaître d'ici l'année 2080. Bart de Wever s'est dit très heureux à l'annonce de cette nouvelle. Le joueur de foot Yann Mvila a été suspendu de l'équipe de France pendant 19 mois. Et il a d'autres problèmes à résoudre, Mvila, comme rechercher un appartement. Justin Bieber est de retour sur le marché des célibataires. Il a rompu avec Selena Gomez. Le chanteur et son amoureuse Selena veulent gommer cette histoire de leur vie. On paye des gens pour ça, hein. Ouais, trop cher, je pense. Une légion de pâtissiers sont entrés dimanche au livre Guinness des records en préparant un gâteau au chocolat de 1 km de long, a rapporté l'agence de presse suisse ATS. Non contents de ne pas payer d'impôts, ils se goinfrent comme des porcs, les Suisses. Et pour terminer, si vous aimez les boissons sucrées et les personnes âgées, buvez une canette de Dr Pepper. Ben oui. Ah oui, je vais le faire, Tout de suite. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. La question existentielle, c'est tout de suite. À base de quoi? À base de gros. Ah bah oui. Évidemment. Enfin non, je suis mauvaise langue, c'est à base de ronde. N'importe quoi. Bon, parce qu'il faut savoir qu'elle vient de demander aux stagiaires des pains un pain au chocolat et un Red Bull au petit déjeuner. On est au top. Mais ça c'est du vrai régime. Bon, allez, on va appeler à Saint-Rémy pour poser la question. C'est parti. La question, on répète pas, non? Ah, si tu veux, attends, je raccroche. Non, attends, je raccroche. Ah oui, non, mais c'est parce que bon, la question c'est comme la Terre est ronde, est-ce qu'il est temps qu'elle fasse régime? Exactement, donc on va leur poser la question. Allez, c'est parti, on rappelle. Voilà. Hop. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Rien à foutre. Et vous n'êtes pas fou, on est en pleine nuit. Bah, pas du tout, monsieur. Et vous êtes qui, là? Moi, je suis Toff. Et vous, qui êtes-vous? S'il vous plaît. Moi, je suis Toff. Et vous, qui êtes-vous? Et vous foutez de ma gueule? Mais j'oserais pas, monsieur. Oh, quel mal poli. Mais oui. On rappelle maintenant Saint-Rémy. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Mais vous êtes qui? Bah, je suis Toff, je vous l'ai dit. Mais c'est qui ça? Bah, c'est moi, qui voulez-vous que ce soit, monsieur? Vous êtes autre part, là, vous devez être. Bah oui, je téléphone de chez moi. Si je téléphonais de chez vous, je vous appellerais pas. Et vous avez besoin de quoi? Bah, en fait, moi j'avais une question à vous poser. Une question de quoi? Bah, je me demandais, est-ce que vous pensez que comme la Terre est ronde, il serait temps qu'elle fasse régime? Ah bah il est... Je pense qu'il est content là, on va le rappeler encore un coup hein. Oh, une dernière. Quel mal au truc. Allô. Oui, je m'excuse mais ça ne répond toujours pas à ma question monsieur. Bon bah voilà, je pense que ta question tu peux te la carrer où je pense hein. Tu n'auras pas de réponse. C'est très dommage. Ah ouais, tu n'auras pas de réponse, tant pis. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Allez, on y va, on écoute maintenant les messages laissés sur la ligne entre Turlou 0473 86 0013. Bon, je t'appelle et j'ai vraiment envie de te voir, de connaître en profondeur, passer sur toutes les parties de ton corps, te lécher de partout, de faire crier comme il faut, quoi. Donc rappelle-moi pour qu'on fasse quelque chose. Mais oui, il va le rappeler évidemment, il a l'air tellement, enfin elle, pardon, en l'occurrence, elle a l'air tellement pressée de le rappeler qu'elle t'a envoyé sur les lignes en Turlou, hein. Voilà, le crier comme il faut, moi j'ai beaucoup aimé. Oui aussi, oui. Deuxième message. Bonjour, voilà. On a bien reçu votre courrier avec vos propositions que vous faites à mon mari, c'est-à-dire Laurent. Et je regrette, mais il est marié, donc si vous cherchez quelqu'un, vous avez qu'à voir ailleurs. Parce que votre lettre et vos photos, on en a rien à foutre, c'est compris. La petite blague. C'est ça, petit. Oh, c'était pour rire, c'est drôle, c'est drôle. Mickaël à la radio, le replay.